Chapitre 4e. Doutes et difficultés. Il était parti. Le soir était venu. La maison était close et les rideaux tirés. Plus de ciel bleu ni de feuillage aux couleurs de pourpre et d'ambre. Marguerite monta s'habiller pour le thé. Dixon était mécontente du dérangement que la visite d'un étranger avait occasionné un jour de repassage. Et elle prouva sa mauvaise humeur en brossant à rebours les cheveux de la jeune fille, sous prétexte que Mrs. Hale était pressée de faire sa toilette. Cependant, Marguerite resta seule pendant longtemps avant que sa mère pût descendre au salon. Elle alla s'asseoir au coin du feu, sans allumer la lampe qui était derrière elle, et songea aux événements qui s'étaient passés depuis le matin, à la charmante promenade qu'ils avaient faite ensemble, à leur croquis dans la forêt, au joyeux dîner qui avait suivi, enfin à la triste scène de la terrasse. Combien les hommes ressemblent peu aux femmes. Elle était là, troublée, malheureuse, parce qu'elle avait refusé d'instinct une proposition qu'elle ne pouvait accepter, et lui, quelques minutes après ce refus, qui devait avoir brisé l'espérance de toute sa vie, il avait semblé dire que les succès, les joies du monde, les avantages matériels de la fortune étaient l'unique objet de ses désirs. Combien elle l'aurait aimé s'il avait eu dans le caractère quelque chose de différent. Un rien qu'elle n'aurait pu définir, mais dont elle avait conscience et qui, en y réfléchissant, touchait à ce qu'il y avait de plus profond dans son âme. Elle se dit alors que cette légèreté pouvait bien être qu'apparente, et couvrir la douleur qu'elle aurait éprouvée si, aimant quelqu'un, son amour avait été repoussé. Sa mère entra dans le salon avant qu'elle eût pu mettre de l'ordre au milieu des pensées qui tourbillonnaient dans sa tête. Il lui fallut oublier ce qu'elle avait dit et fait pendant le jour, et devenir l'auditeur sympathique des plaintes que Dixon avait répandues à propos de la couverture à repasser qu'on avait encore brûlée, ou apprendre que Susan Lightfort avait été aperçue avec des fleurs artificielles à son chapeau, ce qui, certainement, la ferait passer pour vaine et légère. Mr. Hale sirotait sa tasse de thé sans rien dire, et paraissait complètement absorbé dans ses réflexions. Marguerite était seule en réalité pour répondre à sa mère. Elle s'étonnait de voir que ses parents n'avaient pas l'air de songer à leur hôte du matin, et qu'ils poussaient l'indifférence à cet égard jusqu'à ne pas même proférer le nom de Henry. Elle oubliait qu'il ne leur avait pas fait de déclaration d'amour. Après le thé, Mr. Hale vint poser son coude sur le manteau de la cheminée, appuya son front sur sa main, et toujours profondément pensif, continua de garder un silence qu'interrompait fréquemment un douloureux soupir. Mrs. Hale sortit pour s'entendre avec Dixon relativement aux habits d'hiver qu'il faudrait donner aux pauvres de la paroisse. Marguerite prit l'ouvrage de sa mère, et songeant avec effroi à la longue soirée qui commençait, elle fit des vœux pour que l'heure de remonter dans sa chambre fût arrivée, afin de pouvoir reprendre le cours de ses pensées. « Marguerite, dit tout à coup Mr. Hale d'une voix qui la fit tressaillir, cette tapisserie est-elle bien pressée ? Ne peux-tu pas la quitter un instant et venir avec moi dans mon cabinet ? J'ai besoin de t'entretenir de quelque chose de très sérieux pour nous tous. De très sérieux. » Mr. Lennox n'avait pas eu l'occasion de parler à son père après le refus qu'elle avait fait de sa main, ce qui aurait été effectivement une affaire très sérieuse. Marguerite se sentait confuse de se trouver assez femme pour être demandée en mariage, et craignait en outre que son père ne fût mécontent de ce qu'elle avait refusé la proposition de Mr. Lennox avant d'avoir consulté sa famille. Mais elle comprit que ce n'était pas un fait aussi nouveau qui avait pu faire naître l'anxiété douloureuse où son père était plongé depuis si longtemps et dont il voulait probablement l'entretenir. Il la fit asseoir à côté de lui, attisa le feu, moucha les chandelles et soupira plusieurs fois avant de se décider à parler. « Marguerite, dit-il enfin d'une voix brève, je quitte Hailstone. »« Quitter Hailstone, papa, et pourquoi ?» Mr. Hale fut une ou deux minutes sans répondre. Il remuait d'une main nerveuse les papiers qui se trouvaient sur la table, ouvrait la bouche comme pour dire quelque chose, et la refermait sans avoir eu le courage de proférer une parole. Cette attente, plus pénible encore pour son père que pour elle, torturait Marguerite. Pourquoi partirions-nous d'ici, mon père ? Je vous en prie, dites-le-moi. » Il releva la tête, et regardant sa fille en face, il répondit avec lenteur et en s'efforçant d'être calme. « Parce que je ne puis plus appartenir à l'Église d'Angleterre. » Marguerite était bien loin de s'attendre à une semblable réponse. Elle avait pensé que peut-être un de ces bénéfices que rêvait Mrs. Hale était enfin accordé à son père, ou qu'il était appelé à des fonctions qui le forçaient à quitter sa paroisse bien-aimée pour aller vivre dans l'une de ces retraites imposantes qu'elle avait remarquées plusieurs fois dans les villes épiscopales. Malgré l'avantage qu'il y aurait eu dans un pareil changement, elle avait souffert à la pensée de quitter Helstone pour toujours. Mais ce n'était rien auprès de la secousse douloureuse que lui avait causée la réponse qu'elle venait de recevoir. Elle en était d'autant plus bouleversée qu'elle ne la comprenait pas. La douleur qu'elle voyait sur le visage de son père, dont le regard semblait implorer la pitié de son enfant, la frappa tout à coup d'une pensée qui la fit défaillir. Frédéric était proscrit. Son père était-il impliqué dans cette malheureuse aventure ? Avait-il par amour pour son fils trempé ? Oh ! Qu'est-ce que cela peut être ? Parlez, mon père. Dites-moi ce qui peut vous empêcher d'appartenir au culte. Assurément, si l'on disait à l'évêque ce que nous savons de Frédéric et l'injustice, Frédéric et l'évêque n'ont rien de commun avec cette résolution. Elle ne vient que de ma conscience. Questionne-moi, je te répondrai. Je te dirai tout, Marguerite. Mais après cela, nous n'en parlerons plus, ma fille. Je peux supporter les conséquences de ces horribles doutes, mais il est au-dessus de mes forces de revenir sur cette chose qui me torture. Des doutes, mon père ? Des doutes sur la religion ? Demanda Marguerite, de plus en plus troublée. Non, ma fille, non, rien de relatif à la religion elle-même. Il s'arrêta. Marguerite tremblait comme si elle eût été sur le bord d'un abîme. Tu ne pourrais pas me comprendre, reprit Mr. Hale d'une voix rapide et comme pressée d'en finir. Tu ne pourrais pas me comprendre, mon enfant, si je te disais combien de fois je me suis demandé si j'avais le droit de conserver mon bénéfice. Depuis combien d'années cette pensée me tourmente, et les efforts que j'ai faits pour étouffer mes doutes sur l'autorité de l'Église. Oh, Marguerite, si tu savais comme je l'aime, cette Église, dont je vais être rejeté pour toujours. » Il fut quelques instants sans parler. Marguerite ne trouvait pas un mot à lui dire. Elle éprouvait une vague terreur des paroles de son père, comme s'il avait été sur le point de se faire mahométan. J'ai lu aujourd'hui quelques pages sur les 2000 prêtres qui ont été rejetés de leurs communions respectives, reprit-il avec un pâle sourire. Je cherchais à m'inspirer de leur courage. Cela ne m'a servi de rien. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir une douleur cuisante de cet affreux déchirement. Mais avez-vous bien réfléchi, papa ? C'est une détermination qui me paraît si effrayante, dit Marguerite en fondant en larmes. Il lui semblait voir la maison paternelle trembler sur ses fondations et s'écrouler subitement. Que dire ? Que faire ? En voyant son chagrin, Mr. Hale fit un effort sur lui-même afin de la consoler. Il étouffa les sanglots qui soulevaient sa poitrine, et se dirigeant vers la bibliothèque, il prit un volume qu'il avait souvent ouvert depuis quelque temps et qui devait, pensait-il, lui donner la force de poursuivre la tâche qu'il s'était imposée. « Écoute, chère Marguerite, » dit-il en passant l'un de ses bras autour de la taille de sa fille. Elle lui prit la main, qu'elle serra fortement dans les siennes, mais elle ne put ni relever la tête, ni suivre la lecture que lui faisait son père, tant elle était troublée. « C'est, » continua Mr. Hale, « l'opinion d'un homme qui fut jadis comme moi, prêtre dans une campagne, un monologue écrit par Mr. Oldfield, ministre de Garsington dans le Derbyshire. Il y a 160 ans, peut-être davantage. Ses tourments sont finis, » ajouta Mr. Hale se parlant à lui-même. Il commença d'un ton ferme la lecture des lignes suivantes. Lorsque tu ne peux plus continuer ton œuvre sans déshonorer ton Dieu, discréditer la religion, mentir à ta conscience, troubler ton repos, mettre en danger le salut de ton âme. En un mot, quand les conditions qu'il te faudrait subir pour conserver ton emploi sont coupables et contraires à la parole divine, tu peux et tu dois croire que Dieu fera tourner ton abstention et ton renvoi à la gloire de son nom et au progrès de l'Évangile. Lorsque le Tout-Puissant ne peut plus t'employer à une œuvre, il t'en confie une autre. L'âme qui veut sincèrement l'honorer et le servir ne manque jamais d'en trouver l'occasion, ne pose pas de limite au pouvoir du Dieu d'Israël en pensant qu'il n'a qu'une manière de se glorifier par tes actes. Il peut faire que tu sois utile par ton silence autant que par tes prédications. Et ton rejet de l'Église peut devenir plus fécond et plus efficace que ne l'aurait été dans tes mains l'exercice de son culte. Le service de Dieu, l'accomplissement des devoirs les plus élevés, ne saurait être une excuse pour le moindre péché, alors même que cette faute te donnerait le moyen d'accomplir ce devoir important. Quelle serait ta récompense, ô mon âme, si, lorsqu'on t'impose de corrompre le culte du Seigneur et de parjurer tes serments, tu acceptais ces conditions iniques sous prétexte de conserver ton ministère? En lisant ces paroles, Mr. Hill se sentait plus fort et plus décidé que jamais à tout braver pour faire ce que lui ordonnait sa conscience. Mais lorsqu'il eut fermé le livre, il entendit les sanglots convulsifs de Marguerite et son courage s'évanouit devant la douleur de sa fille. « Cher enfant, » lui dit-il en la pressant contre son cœur, « pense aux chrétiens des premiers siècles, à ces milliers de martyrs qui ont souffert jusqu'à la mort. Oh ! » dit-elle en relevant son visage enflammé et ses yeux noyés de larmes. « Les premiers martyrs ont souffert pour confesser la vérité, mais vous, oh mon père, mon père ! Je souffre comme eux pour rester fidèle à ma foi, » répondit-il avec dignité. « Je dois obéir à ma conscience, mon enfant. J'ai pendant des années supporté les reproches qu'elle m'adressait et qui auraient depuis longtemps fait agir un esprit moins paresseux et moins timide. Ta mère, en voulant quitter Hellstone, a déterminé la crise où j'épuisais la force de parler. Son vœu ardent, poursuivit-il en secouant la tête, aura la satisfaction dérisoire qui suit trop souvent nos désirs les plus chers. Pommes de Sodome qui nous attirent et ne sont que des cendres pour nos lèvres altérées. Il y a un mois environ, l'évêque m'a proposé un autre bénéfice. En acceptant, je devais déclarer de nouveau que je me conformais à la liturgie de l'Église anglicane, dont j'acceptais la constitution. J'essayais de le faire, Marguerite. Ne pouvant y parvenir, j'ai tenté d'apaiser ma conscience par un refus pur et simple de l'avancement qu'on m'offrait, et j'ai voulu rester ici, étouffant mes remords comme je le faisais depuis longtemps. Que le Seigneur me pardonne. Il se leva et parcourut la chambre en s'adressant à voix basse de vifs reproches, dont sa fille ne put saisir que de douloureux fragments. « J'en reviens à mes premières paroles, Marguerite. Il faut quitter Hellstone. »« Quand cela, mon père ?» J'ai écrit à l'évêque. « Je croyais te l'avoir dit. Mais à présent, je n'ai plus de mémoire, » répondit Mr. Hale, qui retomba dans son abattement dès qu'il fallut s'occuper des détails matériels de l'affaire. Je lui annonçai mon intention de résigner mon bénéfice. Il a été d'une bonté parfaite et fait valoir auprès de moi tous les arguments qu'il a pu trouver dans son esprit et dans son cœur. C'était complètement inutile. Je me les étais souvent opposés à moi-même, et sans aucun résultat. Il faudra que j'aille chercher mon acte de résignation et que je fasse une visite à l'évêque pour lui adresser mes adieux. C'est une épreuve qui me sera pénible. Mais je souffrirai bien plus encore en me séparant de mon troupeau. On a désigné un vicaire pour me remplacer provisoirement, un Mr. Brown qui viendra demain. Il restera avec nous jusqu'à notre départ et dimanche je prêcherai pour la dernière fois. Si tôt que cela, pensa Marguerite. Après tout, chaque jour de répit n'eût fait qu'ajouter à sa douleur, et mieux valait ne pas avoir le temps de revenir du saisissement où elle était plongée. « Que dit ma mère ? » demanda-t-elle en soupirant. Au lieu de répondre, Mr. Hale se remit à marcher de long en large avec une certaine agitation, à la fin s'arrêtant devant sa fille. « Marguerite, je ne suis qu'un pauvre homme plein de lâcheté. L'idée de faire de la peine à quelqu'un me trouve sans courage et sans force. L'existence de ta mère n'est pas celui qu'elle espérait, celle qu'elle avait le droit d'attendre, et je comprends si bien ce qu'elle ressentira de cette nouvelle que je ne pourrai jamais la lui communiquer. Il faut pourtant qu'on la lui dise, ajouta-t-il en jetant sur sa fille un regard attentif. Sa mère n'en savait rien, et l'affaire était finie. Cette pensée accablait Marguerite. « Oui, murmura-t-elle, il faut qu'on le lui dise, et avant peu. Il est possible après tout. Oh non, ce sera un coup terrible. Où allons-nous » reprit-elle après quelques instants de silence, comme frappée d'une pensée subite et se demandant si son père avait songé à l'avenir. « À Milton du Nord, » répondit Mr. Hale avec une morne indifférence. « Cette ville manufacturière du Yorkshire ?»« Précisément. Pourquoi, cher papa, cette résidence plutôt qu'une autre ?»« Parce que j'y aurai la faculté de gagner le pain de ma famille. Parce que je n'y connais pas une âme et que jamais on ne m'y parlera d'Elstone. Du pain pour votre famille ? Je croyais que vous aviez... » Elle s'arrêta en voyant le front de son père s'assombrir. Mais lui, comprenant avec la rapidité d'intuition que donne une tendresse profonde ce qui se passait dans l'âme de Marguerite, il fit un effort pour secouer son accablement. « Je t'apprendrai tout, » répondit-il. « Je ne te demande que d'informer ta mère de ma résolution. C'est la seule chose à laquelle je ne pourrais pas me résoudre. L'idée de sa douleur me fait mal et m'effraie. Tu le lui diras demain matin, n'est-ce pas ? J'irai faire mes adieux à Dobson et à mes bons paroissiens de la commune de Bracy, et je serai dehors toute la journée. Éprouves-tu beaucoup de répugnance à te charger de cette mission, mon enfant ? » De tout ce que Marguerite avait fait dans sa vie, c'était assurément la chose la plus douloureuse qui lui avait été imposée. Elle ne pouvait répondre tant son cœur se gonflait en y songeant. « Cela te coûte énormément, n'est-ce pas ? » lui dit son père. Elle surmonta sa faiblesse et, triomphant d'elle-même, « C'est une pénible tâche, » dit-elle, en accompagnant ses paroles d'un regard plein de fermeté. « Il faut cependant l'accomplir, et je le ferai du mieux qu'il me sera possible. Vous aurez pour votre part tant d'autres obligations douloureuses. » Mr. Hale secoua la tête d'un air découragé et serra la main de sa fille avec reconnaissance. Marguerite se sentit de nouveau sur le point de fondre en larmes, et faisant un violent effort pour changer le cours de ses pensées, elle demanda à son père quels étaient ses projets. « Avez-vous quelque chose en dehors de ce que rapportait le bénéfice ? » lui dit-elle. « Je sais que ma tante a de la fortune. » « Je crois, » lui répondit son père, « que nous avons 170 livres sterling de rente. Nous en donnons 70 à Frédéric. » « Je ne sais pas s'il a besoin de la somme entière, » ajouta-t-il en hésitant. « Il a pris du service dans l'armée espagnole et doit recevoir une paye quelconque. » « Frédéric ne doit pas souffrir de ce qui arrive, » dit Marguerite avec résolution. « Il est en exil, injustement traité par son propre pays. C'est déjà trop de misère. Ne pouvons-nous pas avec cela vivre tous les trois dans un coin ignoré où la vie ne soit pas chère ?»« Non, » dit Mr. Hale. « Il faut que je fasse quelque chose. » Que je m'occupe sérieusement pour chasser de mon esprit des pensées qui me tueraient. D'ailleurs, à la campagne, le souvenir de Hailstone me deviendrait trop pénible. Je ne le supporterais pas. Et puis, 100 livres par an serait loin de suffire pour conserver à ta mère le confort auquel elle est habituée et qu'elle doit nécessairement avoir. Nous irons à Milton, c'est une affaire réglée. J'ai besoin, quand il faut que je décide quelque chose, de ne pas être influencé par ce que j'aime, » ajouta-t-il pour s'excuser d'avoir arrêté ses plans sans en rien dire à sa famille. « Les objections me rendent tellement irrésolue. Je ne sais pas leur résister. » Marguerite demeurait silencieuse. Qu'importait après tout l'endroit qu'ils iraient habiter ? C'était d'un bien faible intérêt en comparaison du terrible changement qu'allait subir leur existence. « Il y a quelques mois, » continua Mr. Hale. Ne pouvant plus supporter mes doutes sans en parler à quelqu'un, j'écrivis à l'un de mes amis. Tu te rappelles Mr. Bell ? Je ne crois pas l'avoir jamais vu. Mais n'est-ce pas l'un de vos anciens professeurs d'Oxford et le parrain de Frédéric ? Oui, mon enfant. Il est membre du collège de Plymouth, et je pense qu'il est né à Milton. Du moins, il y a des propriétés qui ont acquis beaucoup de valeur depuis l'importance que cette ville a prise comme centre manufacturier. J'ai certains motifs de supposer, mais je ferai mieux de n'en rien dire à présent. Toujours est-il que je suis certain de la sympathie de Mr. Bell. Ce n'est pas que j'ai puisé beaucoup de force dans ses paroles. La vie qu'il a menée jusqu'à présent dans son collège a toujours été trop facile pour qu'il soit trempé pour la lutte. Mais il s'est montré aussi bon que possible à mon égard, et c'est lui qui nous fait aller à Milton. « Comment cela ? » dit Marguerite. « Il possède là-bas des maisons, des moulins, des usines. Et bien que le bruit et le mouvement d'une ville industrielle soient antipathiques à ses habitudes, il est obligé d'entretenir des rapports avec Milton. Grâce aux relations qu'il y a nécessairement, il a pu m'assurer que la place était bonne pour un professeur de littérature et de langues anciennes. » « Un professeur de langues anciennes ?» s'écrie Marguerite d'un ton dédaigneux. « Qu'est-ce que des fabricants ont à voir aux classiques, à la littérature, à l'éducation d'un gentleman ?»« Il s'en trouve quelques-uns parmi eux, » répondit Mr. Hale, « qui joignent à de brillantes facultés la conscience de l'instruction qui leur manque. Ce qu'on ne trouve pas chez bien des gentlemen. Il y en a qui, parvenus à l'âge d'homme, n'en sont pas moins résolus à commencer leurs études, ou qui veulent que leurs enfants reçoivent une instruction plus étendue que la leur. Enfin, que ce soit par un motif ou par un autre, c'est une ville qui m'offrira de certaines ressources. Mr. Bell m'a recommandé un Mr. Thornton, l'un de ses locataires, qui, à en juger par ses lettres, est un homme d'une grande intelligence. J'aurai donc à Milton une vie occupée, sinon heureuse, et j'y verrai des individus et des lieux tellement différents de ceux que j'ai toujours connus, que je pensais moins à Helstone. C'était là le véritable motif qui avait déterminé le choix de Mr. Hale. Marguerite le sentait bien. Ce contraste complet avec leurs habitudes, qui excitait en elle un sentiment voisin de la haine pour la population, le genre de vie et les mœurs du nord de l'Angleterre, dont on lui avait parlé comme d'un pays stérile et désolé, aurait au moins l'avantage de ne pas rappeler l'endroit chéri qu'ils avaient habité si longtemps. « Quand partirons-nous ? » dit Marguerite après un bref silence. « Je n'en sais rien. Je voulais d'abord en causer avec toi. » « Il faut ensuite que ta mère soit prévenue. Mais je suppose que nous pourrons nous en aller dans 15 jours. D'ailleurs, une fois que mon acte de résignation m'aura été expédié, je n'aurai plus le droit de rester au presbytère. »« Dans 15 jours ? » répéta Marguerite, comme étourdie par ces paroles. « Je ne dis pas cela d'une manière positive, rien n'est encore fixé. » dit Mr. Hale d'un air inquiet, en voyant pâlir sa fille dont le regard se voilait de larmes. « Si, mon père, il vaut mieux partir promptement, puisque la chose est décidée. Mais penser que ma mère ne sait rien, qu'elle ne s'en doute même pas, c'est là un affreux sujet d'inquiétude. « Pauvre Maria, » dit Mr. Hale avec tendresse, « pauvre Maria, si j'étais seul au monde, combien il me serait facile de supporter tout cela, mais dans ma position. Marguerite, je n'ose pas lui en parler. C'est inutile, je me charge de le lui apprendre. Donnez-moi seulement jusqu'à demain soir pour choisir l'instant favorable. Oh, mon père ! » s'écria-t-elle tout à coup d'une voix suppliante. Dites-moi que c'est un rêve, un affreux cauchemar et non la vérité. Vous ne pouvez pas avoir l'intention de quitter Helstone, d'abandonner l'église, d'être à jamais séparé de moi et de ma mère. Pour obéir à l'erreur qui vous entraîne, c'est impossible. « Ma résolution est bien arrêtée, Marguerite, » dit Mr. Hale d'une voix lente et presque étouffée. « Comprends bien mes paroles, mon enfant. C'est toi qui serais dans l'erreur si tu doutais de la réalité de mes intentions. » Ils se regardèrent quelque temps en silence, lui, roi d'effroi, comme la pierre, Marguerite avec des yeux suppliants. Lorsqu'enfin elle fut bien convaincue que c'était une détermination irrévocable, elle se leva et se dirigea vers la porte sans ajouter une parole. Au moment où elle posait la main sur le bouton de la serrure, son père la rappela. Il était près du feu, replié sur lui-même et courbé sous le poids qui l'accablait. Mais lorsqu'elle fut à côté de lui, Mr. Hale se releva de toute sa hauteur et, plaçant les mains sur la tête de sa fille, « Reçois la bénédiction divine, mon enfant, » dit-il d'un ton solennel. « Puisse le Tout-Puissant vous rendre à son église, » répondit Marguerite, dans toute la plénitude de son âme. Et craignant aussitôt d'avoir manqué de respect à celui qui venait de la bénir, elle se jeta au cou de son père et appuya sa tête sur la poitrine de Mr. Hale, qu'elle entendit murmurer tout bas. Les martyrs et les confesseurs ont plus souffert encore. Je ne reculerai pas devant l'affliction qui m'attend. » Ils tressaillirent tout à coup en entendant la voix de Mrs. Hale, qui appelait sa fille, et se séparèrent aussitôt, rappelés au sentiment de la tâche pénible qu'il leur restait à remplir. « Va la rejoindre bien vite, » dit Mr. Hale. « Vas-y, mon enfant. Je serai dehors demain toute la journée. Que tu lui aies tout dit lorsque je rentrerai le soir. » « Oui, mon père, » répondit-elle. Et Marguerite retourna au salon en chancelant et comme saisie de vertige.